قال أبو علي الرذباري قال يعني سي ان parmi السلف كي سابيل أبو علي الرذباري رحمه الله il a dit la peur et l'espoir c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Quand les deux ailes sont équilibrées, le vol de l'oiseau est à son niveau parfait. Et quand il y a une diminution dans une des deux ailes, ou quand il y a un défaut dans une des deux ailes, le vol de l'oiseau n'est pas comme celui dont il y a un équilibre entre les deux ailes. Il est inférieur jusqu'à la disparition d'une des deux ailes ou les deux ailes. Là, l'oiseau se rapproche de la mort et devient menacé par la mort à chaque instant quand il y a la disparition d'une des deux ailes ou les deux ailes. Comme je viens de le voir à l'instant en revenant de la mosquée. Un pigeon qui a été touché au niveau d'une aile et il avait du mal à s'envoler. Et en sortant de Salat, je voulais voir, yani, avec les enfants, essayer de voir si on peut l'aider. Je l'ai trouvé, il était déjà yani, tué par un chat. Pourtant, la blessure n'était pas importante. C'est ce que dit cet homme de science.